15 ans, Lee Charmel, Christian Dior, Perel. Nana, mon nez. Allez, bien en haut. Toutes les tailles, mesdames. Ah, mon nez. Dégalez-vous. On a pas un bar.